François Kimana sur la mise en onde. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. 301 parcelles non mises en valeur dans les délais dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura ont fait objet de retrait selon le compte rendu du Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. Vous entendrez le porte-parole et secrétaire général du gouvernement au cours de cette édition. L'association Giriouja qui encadre les enfants en situation de rue appelle le gouvernement à l'ouverture de plusieurs centres d'encadrement de cette catégorie d'enfants après celui de Changuzo pour que ces derniers soient rééduqués avant leur réinsertion. Bienvenue à cette édition. Ouvrons ce journal par la page éducation. Le lycée Gattara a reçu en fin du premier trimestre un don en 15 machines, ordinateurs, leurs accessoires et d'autres matériels et produits de laboratoire. Emile Ngurundiza, préfet des études à cet établissement, indique que ces outils permettront l'amélioration du rendement scolaire. Toutefois, ce responsable scolaire au lycée Gattara, de même que les élèves, et tous plaident pour que d'autres écoles, surtout ceux à régime d'externat, soient aussi équipées, n'est-ce pas, Patrick Senghiouf? Ce don en matériel didactique est composé de 15 machines ordinateurs et leurs accessoires, ainsi que les produits de laboratoire, a été accordé au lycée Gattara par le ministère de l'Éducation nationale en fait du premier palier. Le préfet des études au lycée Gattara éprouvait un sentiment de satisfaction, arguant que ces matériels didactiques permettront l'amélioration des conditions d'apprentissage et par conséquent l'amélioration du rendement scolaire aussi. Emile Mourouziz a appelé les enseignants et les élèves qui se serviront de ces outils pendant les moments des cours de bien prendre soin. Les élèves du lycée Gattara, aussi surtout ceux de la section sciences, disent aussi se réjouir de l'équipement en produits chimiques et en autres matériels de laboratoire accordés à leur établissement scolaire. D'après eux, les travaux pratiques permettent beaucoup la concrétisation de la matière vue en classe théoriquement. Et le préfet des études au lycée Gattara, de même que les élèves du dit établissement scolaire, tous demandent que d'autres établissements scolaires, surtout ceux à régime d'externat, soient équipés aussi en matériel didactique pour améliorer les conditions d'apprentissage et de leurs élèves. À l'occasion de l'ouverture de l'année scolaire édition 2021-2022, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, professeur François Zarimana, a dit que le Burundi projette qu'en 2027, chaque commune sera dotée d'au moins 30 machines ordinateurs pour permettre aux élèves de leur ressort l'apprentissage et de l'outil informatique. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiyumva pour tous ces détails. Le ministre de l'éducation et de la recherche scientifique se dit étonné d'entendre qu'il y a certaines universités qui enregistrent de retard dans le paiement du prêt bourse aux étudiants. François Zaliman a dit qu'il n'y a pas d'explication valable sur ce retard lors de la présentation des réalisations comptant pour le premier semestre de l'exercice en cours ce jeudi. Il a rassuré que le gouvernement a tout prévu pour que ces étudiants reçoivent leur prêt bourse à temps. Suivez-le, il est traduit en français par Jean Doudieu, il écoute. La question du retard dans le paiement du prêt bourse, personne ne me l'a signalé, même les recteurs d'université. Mais ce que je sais est que le gouvernement a débloqué des fonds suffisants pour que tous les étudiants soient payés à temps. Aucune raison n'expliquerait donc ce retard. Peut-être que les uns et les autres n'auraient pas fait ce qu'ils devaient faire, mais nous allons suivre de près et vérifier cette information. Mais je voudrais ici revenir sur un cas qui s'est passé à Bubanza où un parent nous a dit qu'on n'a pas donné de rebourse à son enfant. Après enquête, on a constaté que l'étudiant en question n'avait pas signé le contrat. Puis, il est allé raconter à ses parents qu'il n'a pas été payé alors que c'est lui le fautif. C'est un étudiant de l'école normale supérieure. Après, il a été recherché et a été régularisé après avoir signé le dit contrat. Comprenez déjà qu'il y a des étudiants dont les dossiers ne sont pas au complet, ce qui fait que certains parmi eux ne sont pas payés. Celui qui n'a pas son pré-bourse va justement dire qu'il n'y a pas de paiement. J'informe les étudiants qui nous écoutent que les fonds pour le pré-bourse sont disponibles. Celui qui aura un problème est appelé à informer les responsables de leur université pour qu'ils transmettent le message à leur tour. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le dis en titre, 301 parcelles non mises en valeur dans les délais dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura ont fait objet de retrait selon le compte rendu du Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. Dans un extrait du dit conseil, le porte-parole et secrétaire général du gouvernement fait savoir que l'objectif de ce travail effectué de mai à septembre 2023 est de décourager les transactions qualifiées de spéculatives sur les parcelles attribuées par l'État aux particuliers qui les revendent sans les avoir mises en valeur. Suivez plutôt le secrétaire général du gouvernement, Jérôme Nienzima. 301 parcelles ont été jusqu'ici retirées dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura. Au début du processus et suite à certaines réclamations, les services de l'urbanisme avaient proposé 13 réattributions, régularisations jugées fondées et 19 autres dont les procédures de réattribution étaient en cours ont été suspendus en date du 28 septembre 2023, date à laquelle le Conseil des ministres avait décidé de la suspension de ces réattributions. La suite a réservé aux autres parcelles non mises en valeur, mais qui n'étaient pas encore recensées, étant donné que le processus de retrait est toujours en cours. Après analyse de la note, le Conseil des ministres a formulé les observations et recommandations suivantes. 1. Le travail de retrait des parcelles non mises en valeur a été fait conformément à la loi et au règlement. 2. Celui qui se sent lésé doit s'adresser aux services habilités pour que son cas soit étudié et en cas de réattribution, la construction se référera aux standards mis en place selon les quartiers et en conformité avec la vision Burundi pays émergent en 2040, Burundi pays développé en 2060. 3. Étendre le travail de retrait des parcelles non mises en valeur dans les autres centres urbains du pays. 4. Les transactions pour les terrains octroyés par l'État sont interdites par la loi burundaise. 5. Les investisseurs potentiels voulant acquérir des terrains pour leurs projets doivent s'adresser directement à l'État au lieu d'acheter des parcelles auprès des particuliers. 6. Les parcelles réattribuées doivent revenir dans les mains de l'État. 7. Dans l'octroi des parcelles retirées, une personne n'ayant pas de logement doit être prioritaire par rapport à la personne qui aurait déjà eu son premier logement. 8. L'OBUA doit fixer les normes de construction et les faire respecter selon les quartiers. 9. Les terrains et les maisons de l'État occupés par des privés doivent revenir aux mains de l'État. 10. Les personnes qui ont des maisons et qui louent celles appartenant à l'État sont appelés à les libérer pour occuper les leurs. Sur ce 11e point à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres tenu mercredi, Jérôme Nyondima informe que plusieurs incohérences ont été trouvées. C'est notamment de grandes parcelles attribuées pour des projets de développement, mais où des bars et restaurants ont été érigés. Les enfants retirés de la rue et admis au centre de transit se trouvant sur la colline zone Munzenze de la commune Michi en province Tchankouzo ne partageaient pas la même vision sur l'apport du centre pour leur réinsertion effective. Certains regrettent que jusqu'aujourd'hui ils n'ont rien gagné dans ce centre qui n'a même pas de clôture pour leur sécurité, alors que d'autres affirment avoir appris quelques notions de bonne manière. Laïsé Jean-Baptiste, responsable de ce centre, justifie qu'en attendant les directives du gouvernement, le personnel encadreur s'occupe de ses enfants par l'assistance psychosociale et en plus des jeux de récréation. L'association locale Griouja, chargée d'encadrement des enfants, plus particulièrement en situation de rue, dit se réjouir de l'exécution de la stratégie de réinsertion de ces enfants, longtemps prédite, en commençant par la mise en place du centre de transit de Tchankouzo. Wenceslas Nyavenda, directeur technique au sein de cette organisation, appelle à cet effet le gouvernement en urgence à l'ouverture des centres de formation professionnelle, en plus de la séparation des adultes et les enfants, afin de permettre un bon encadrement et la réinsertion effective de ces enfants. Suivez-le au micro de Placide Niumungete. D'abord, pour moi, c'est un sentiment de satisfaction parce que la mise en place de ce centre de transit à Tchankouzo, ça rentre dans le programme du gouvernement de la stratégie nationale de réintégration des enfants en situation de rue. Le centre se trouve dans un endroit où ces enfants n'ont pas accès aux substances psychoactives, notamment les drogues qui sont poussées. Et ces enfants, et aussi des adultes à côté, regrettent qu'ils n'ont pas encore gagné quelque chose, vu qu'ils réclament toujours des formations. Et pour le moment, qu'est-ce qui devrait être fait? La première chose, c'est que le centre a besoin d'être appuyé. Notamment, le centre n'est pas clôturé. Et en même temps, Griouja, nous sommes en train de mettre en place un programme d'encadrement socio-éducatif et psychosocial. C'est dans le sens d'appuyer, bien sûr, le gouvernement dans la mise en œuvre de cette politique de retrait des enfants en situation de rue. Et autre chose, je demanderais que le centre soit suffisamment équipé. Il faut qu'il y ait des centres de formation professionnelle pour les enfants. Il y a des parcellages scolaires et des activités de renforcement scolaire pour préparer les petits-enfants qui sont là à la rentrée scolaire. Dans ce centre, il y a des enfants, en même temps des adultes. Est-ce que ça ne constitue pas un défi? Ça fait partie de nos doléances. Nous avons déjà lancé cette doléance de séparer les enfants des adultes. Je crois qu'au niveau du ministère de la Solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine, déjà, ils ont compris ça. Je crois que dans les jours à venir, il y aura cette séparation. Vous le dites ouvertement que vous étiez enfant en situation de rue. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait quelques défis auxquels il faut penser pour effectivement mettre en exécution ce projet sans problème? Je ne vois aucun défi pour ce programme. Par contre, j'inviterai les organisations œuvrant dans la protection de l'enfance, les partenaires du gouvernement, d'appuyer le gouvernement dans son programme, dans son processus noble de retrait des enfants en situation de rue. Je suis conscient que ces enfants, quand ils sont dans la rue, c'est juste le passage. Demain, ils peuvent être des citoyens utiles pour les communautés et pour leur pays, le Burundi. Dernier dossier de ce journal, la promulgation du décret-loi portant création de l'Ordre des infirmiers et sages-femmes par le président de la République va faciliter le métier des infirmiers lors d'un atelier de renforcement des capacités chez les représentants provinciaux de l'Association burundaise des infirmiers. Ce samedi, Egide Wigilindavzi, vice-président de cette association, espère que des changements dans l'accueil des patients dans différentes structures de santé va changer. Les participants trouvent que ce renforcement des capacités constitue une valeur ajoutée dans l'exercice de leur métier. Omer Ndouaye. L'Association burundaise des infirmiers, habillée en sigle, dit être au courant des grognes des patients, dénonçant des mauvais accueils dans différentes structures sanitaires. Egide Bigirindavi, vice-président de l'ABI, tranquillise que des changements seront constatés les jours à venir. Il se réfère à la promulgation du décret-loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des infirmiers et sages-femmes. Nous avons mis devant la valorisation de la profession infirmière. Il n'y a pas de valorisation de profession infirmière aussi longtemps qu'il n'y a pas l'Ordre des infirmiers. Sans ordre, il y a le désordre. C'est pour cette raison qu'il y a des grognes, c'est que jusqu'à maintenant, on travailler dans le désordre. Chacun faisait ce qu'il veut dans son coin. Alors, Qu'est-ce que nous allons faire? On a demandé au gouvernement burundais de mettre en place l'ordre et nous sommes ravis de l'étape où on arrive et on est en train de voir comment négocier ce qui concerne réellement le leadership de cette organisation pour que réellement on trouve des leaders qu'il faut afin qu'on arrive réellement à faire la réglementation de la profession infirmière et sage-femme et en revanche on aura les soins de qualité, les soins sans faille. Une des soutenues par les représentants provinciaux de cette association qui ont participé à cet atelier. Ceci songe au changement de mentalité. J'ai acquis pas mal de choses parce que ça consistait à nos capacités, à nous donner des compétences à renforcer nos capacités en matière de leadership, ce qui permettra aux bénéficiaires de nos soins d'être pris en charge de façon globale et de rentrer satisfaits quand ils ont bénéficié des soins. Cette séance vient de me souvenir ce que je devrais faire pour mieux prendre en charge nos patients. J'ai aussi compris que je dois prendre mes patients avec compassion, être empathique envers lui parce que je dois sentir sa douleur comme il le sent. Le décret loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des infirmiers et sages-femmes a été promulgué par le président de la République le 16 janvier cette année. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndiko Banyanga. Bonne suite de programme sur Isanganiro. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. Est-ce vrai que quand on est sur décret, on sera jeuni? C'est une question que se posent les enseignants dans les colonnes de la Voix de l'enseignant. En effet, explique-t-il, les directeurs et directeurs généraux en fonction au ministère de l'Éducation nationale n'ont pas été inquiétés par la retraite massive des fonctionnaires âgés de 60 à 65 ans. Les fonctionnaires sur décret ne partent pas avec leurs collègues conseillers tous. D'après ce journal, ce que l'on observe au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique donne un message que les gens sur décret ne vieillissent pas et ne sont pas fatigués par le service, estime un enseignant représentant syndical dans une école de la mairie. Mais nulle part, dans le statut général des fonctionnaires, n'est mentionné que des gens sur décret ne prennent pas leur retraite, même quand ils ont 60 ans, déplore cet hebdomadaire de l'éducation. Le salut viendra-t-il de Rusumo Falls, s'interroge le journal Burundi Echo en une de sa parution cette semaine. Et l'éditorialiste de son confrère se demande encore pourquoi les coupures intempestives d'électricité. En effet, note-t-il, la ville de Bujumbura connaît des épisodes de coupures d'électricité. Certains quartiers restent dans le noir depuis des mois, alors que d'autres bénéficient d'une alimentation irrégulière en électricité, surtout la nuit. Pour cet hebdomadaire socio-économique, certes, des initiatives sont en cours pour faire du Burundi un pays favorable aux affaires, mais il y a des préalables pour attirer les investisseurs, un réseau électrique dense et stable. Vers la dépénalisation des délits de presse dans notre pays, relève Net Presse. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres réuni mercredi 7 février qui s'est penché sur la question relative à la loi sur la presse du 7 juin 2018. La nouveauté étant que désormais les journalistes ne seront plus emprisonnés pour des délits commis en exercice de leur métier d'informer, mais se verront imposer des amendes variant entre 500 000 francs burundais et 1 500 000 francs burundais. Pour ce confrère, c'est une avancée significative à placer dans le chef du régime actuel dirigé par le président Evariste Ndayishimiye. Au lendemain de son investiture, rappelle encore ce quotidien en ligne, il avait libéré des journalistes du groupe de presse Iwachu, détenus depuis une année. Il avait également rencontré les responsables des médias à Kiriri, où il avait affirmé sans tergiverser que rien ne peut se faire sans la presse, Martel, Net Press. Remise d'un don de 10 appareils respirateurs invasifs à 5 hôpitaux du Burundi, rapporte l'agence burundaise de presse. En effet, précise son confrère, ces appareils ont été offerts jeudi 8 février par le ministère de la Santé de la région de Bade-Wurtemberg en Allemagne à l'occasion de la semaine dédiée aux malades. Comme le rapporte toujours la BP, les bénéficiaires sont le centre hospitalo-universitaire de Kamenge qui a reçu 4 appareils, au moment où l'hôpital d'Ongozi et celui de Muyinga ont eu droit à 2 appareils chacun. Quant à Tanganyika Keya et l'hôpital de Karusi en ont eu un chacun. L'ambassadeur d'Allemagne au Burundi, Karsten Holsch, a souligné que ce don a été octroyé dans le cadre du partenariat existant entre le Burundi et la dite région. Le pneumologue et pneumopédiatre au centre hospitalo-universitaire de Kamenge, Dr François Ndikumwenayo, négociateur de ce don, a quant à lui signalé, toujours dans les colonnes de ce quotidien, que les patients en état de nécessité d'une assistance respiratoire sont entre la vie et la mort et que ces appareils seront des outils majeurs qui leur permettront de survivre. À ce sujet, le journal Iwachu ajoute que ce médecin, praticien et spécialiste du poumon, prestataire à l'hôpital Roi Khaled, a reconnu qu'il arrivait des moments où on pouvait avoir des nécessiteux sans avoir des machines respiratoires, les autres étant en train de servir. Désormais, nous avons espoir que l'on pourra sauver 4 patients de plus, a-t-il confié à cet hebdomadaire. Et c'est la fin de ce journal des journaux. Bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. Au micro, Jean Bosco Nduwimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.